Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Imaginez seulement la scène. Un Premier ministre en exercice qui quitte Paris, et donc Matignon, pour débarquer à Nice et y tenir conférence par un beau samedi ensoleillé. Mais une conférence sur Baudelaire, dont on célèbre par exemple un anniversaire. C'est ce qu'a fait Georges Pompidou le 27 mai 1967 à l'Université de Nice. Je vous propose de redécouvrir maintenant cette conférence du Normalien qui deviendra président de la République 2 ans plus tard. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaisait de prendre la parole, je serais, mon cher camarade, très heureux de vous la donner. Bien, mesdames et messieurs, je voudrais dire d'abord, croyez-le, que je suis très heureux d'avoir pu consacrer quelques instants à ce colloque et très heureux d'avoir pu entendre les intéressantes et parfois passionnantes communications de Mme Kouchner, du doyen Ruff et de M. Mounin. Croyez bien aussi que je ne me propose pas de faire à mon tour une communication sur l'un des aspects de Baudelaire ou de son œuvre, qu'il s'agisse d'aller étudier les sources ou de décrire les influences qu'il a exercées, qu'il s'agisse de critiquer l'œuvre elle-même, critique esthétique, psychanalytique, thématique, voire structurale, je n'en aurai pas la prétention. À propos de critique structurale, d'ailleurs, je dirais à M. Mounin, dont l'exposé m'a beaucoup intéressé, qu'en l'écoutant, je me suis rappelé très rapidement le sonnet bien connu de Heredia les Conquérants, et je constatais avec surprise que toutes les rimes masculines étaient au singulier, que toutes les rimes féminines étaient au pluriel, qu'il y avait 3 phrases en 4 strophes, et même que la première syllabe du titre, vous m'excuserez de ne pas la préciser davantage, Conquérant, cette première syllabe, on ne la trouvait qu'une fois dans le sonnet, et c'était au mot conquérir qui naturellement traduit la première fonction du conquérant. Je n'ai pas poussé plus loin l'analyse, n'étant pas l'éminent professeur Jacobson, mais je tâcherai de le faire à tête reposée. Donc, je ne ferai pas une communication. Je n'aurai d'ailleurs rien à apprendre à tous ceux qui sont ici, ou plutôt j'aurai tout à apprendre des éminents baudelairiens qui sont donnés rendez-vous aujourd'hui à Nice, et parmi lesquels vous me permettrez de citer quelqu'un dont j'ai eu jadis l'honneur d'être l'élève, je veux dire le professeur Jean Pommier. J'ai donc un peu l'impression de passer un examen. Et c'est simplement, en quelques mots très brefs, que j'essaierai de dire ce qu'est Baudelaire pour moi. C'est d'abord, bien sûr, un poète qui a exprimé, aussi bien que personne à mes yeux et mieux que la plupart, mieux que presque tous, les thèmes de l'éternelle poésie. Mais c'est aussi, c'est avant tout peut-être, et c'est ce que je lisais en filigrane en particulier dans l'intervention du doyen Ruff tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a le premier, dans l'expression même de ces thèmes éternels, parlé le langage, traduit les préoccupations et la sensibilité de l'homme moderne. L'homme moderne, si vous permettez, je préciserai plus tôt. À mon sens, c'est l'homme qui est au carrefour, hein, un carrefour peut-être le plus important de l'histoire. Je veux dire un homme qui a reçu une éducation et une formation traditionnelles comme celle que nous avons reçue, comme celle que nous transmettons encore pour l'essentiel, et qui, du fait du bouleversement des connaissances et des mœurs, se trouve confronté, sans y avoir été préparé, avec un univers qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on lui a appris. Et à ce titre, je pense que Baudelaire, plus que du XIXe siècle, est un homme du XXe siècle dans la mesure où, est-ce par ignorance, par indifférence ou par génie, il va très au-delà de ceux de ses contemporains qui, assistant aux premières transformations, premières grandes transformations de la société moderne, y voyaient purement, et je dirais tranquillement, la confirmation de leur foi dans la raison et dans la science. Or, Baudelaire, s'il mesure bien l'ébranlement des vieilles croyances, s'il perçoit bien les craquements des cadres métaphysiques, moraux, sociaux, refuse en tout cas les certitudes de l'optimisme scientiste. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, déchiré en quelque sorte entre le regret d'un passé dont il sent bien qu'il est irrémédiablement détruit, condamné, et un vide créé et que rien pour lui ne vient remplir, il se trouve dans l'angoisse et dans l'impossibilité de trouver une réponse à la question fondamentale. On a beaucoup parlé, en effet, de Baudelaire chrétien, des rapports de Baudelaire avec Dieu, en dernier lieu encore, et ici même, je crois d'ailleurs aussi, avec quel talent, M. Pierre-Emmanuel. Je vous dirais que pour moi, de façon peut-être un peu simpliste, les rapports de Baudelaire avec Dieu sont très simples. Dieu, pour lui, est à la fois nécessaire et absent. Il ne peut s'en passer et il n'y croit pas. Et dès lors, n'est-ce pas, dans un monde mental et moral qui s'ordonnait en quelque sorte tout entier autour de ce qui est devenu pour lui une pesante absence, où est le bien, où est le mal, où est le vrai, où est le faux? Où est le sens de la vie? Où est même le sens de la mort? Mallarmé n'a jamais, je crois, si bien parlé de Baudelaire que lorsqu'il a cru parler d'Edgar Poe, tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive nu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphait dans cette voie étrange. Eh bien, je crois en effet que pour Baudelaire, la recherche de l'explication et donc l'espoir ne pouvait se trouver que dans la mort. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Seulement, est-ce que la mort elle-même n'est pas déception si elle n'apportait rien de nouveau? Vous vous rappelez les vers, j'étais mort sans surprise et la terrible aurore m'enveloppait. Et quoi, n'est-ce donc que cela? La toile était levée et j'attendais encore. Ainsi donc, conduit par son inquiétude jusqu'au rivage de la mort, Baudelaire, n'est-ce pas, ne peut qu'interroger avec angoisse un horizon qui s'avère impénétrable. S'il se retourne, c'est pour constater, je le disais tout à l'heure, que le passé est irrémédiablement détruit, ne reviendra pas. Et c'est pourquoi, selon moi, logiquement, Baudelaire, conscient, n'a pu mourir que désespéré. Et c'est ce drame qui me semble être le nôtre aussi et celui du monde actuel. Dans un univers où tout a été remis en question et qui ne nous apporte, du moins je le pense, aucune réponse rationnelle pleinement satisfaisante, comment échapper à la tentation de l'absurde? Comment croire à l'action si elle n'est pas la sœur du rêve? Comment et sur quoi plutôt fonder solidement une morale, qu'il s'agisse de conscience individuelle ou de rapports sociaux? À ces interrogations, pendant des millénaires, l'humanité a répondu, a donné des réponses en apparence diverses, en réalité convergentes et surtout et toujours collectives. Or aujourd'hui, dans un siècle grégaire par excellence, pour chercher la réponse, chacun est seul, exactement comme le fut toujours Baudelaire, et c'est pourquoi, à mes yeux, il est tellement actuel. Que vous venez d'entendre et d'applaudir comme elle le méritait, je crois que la séance peut être dite levée. Donc je lève la séance. Vous venez de découvrir la conférence qu'avait donnée Georges Pompidou sur Baudelaire. C'était le 27 mai 1967 à l'Université de Nice, une captation de la radio Nice Côte d'Azur. À partager sur les réseaux sociaux, à podcaster pour vos archives ou à réécouter à volonté sur franceculture.fr à la page des nuits.